Garçon! Garçon! Vous m'avez appelé? Alors? Vous êtes chez vous, madame? Si vous avez des questions à me poser. Et d'ordinaire, les clients aiment à se renseigner, enfin, je n'insiste pas. D'ailleurs, pour la brosse à dents, la sonnette et le bronze de Barbedienne, monsieur est au courant. Il vous répondra aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande où est Florence? Ben, je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé. La torture par absence. Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte et je ne la regrette pas. Je vous demande pardon, madame, mais pour qui me prenez-vous? Vous? Vous êtes le bourreau. Quoi? C'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment. Alors, vous êtes entré, vous m'avez regardé, vous avez pensé, c'est le bourreau. Quelle extravagance. Le garçon est ridicule, aurait dû le présenter l'un à l'autre. Le bourreau. Non, je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame? Inès Serrano, mademoiselle. Oh, très bien, parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ah, si vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur? Bon, c'est trop drôle. Et de qui? De leur victime? Allez, je sais ce que je dis, je me suis regardée dans la glace. Dans la glace? Je regrette, mais ils ont ôté tout ce qui pouvait ressembler à une glace. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère, je suis très conscient de sa gravité, mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? La porte est verrouillée. Tant pis. Écoutez, je comprends très bien que ma présence vous importune et personnellement, je préférerais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je ne remue guère et je fais peu de bruit. Seulement, si je peux me permettre un conseil, il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Je ne suis pas poli. Je le serai donc pour deux. Votre bouche. Plaît-il? Vous ne pourriez pas arrêter votre bouche. Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Non, pardon, je ne me rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Encore? Vous prétendez être poli, vous laissez votre visage à l'abandon, vous n'êtes pas seul ici. Vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. N'avez pas peur, vous? Pourquoi faire? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. J'attends. Non, ne relève pas la tête. Je sais ce que tu caches avec tes mains. Je sais que tu as un flou de visage. Mais je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Je ne prenais pas pour le bourreau. J'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Et qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Ah, alors nous allons rester tout seuls, monsieur, madame et moi? Oh, c'est drôle. Il n'y a pas de quoi rire. Oh, mais ces canapés sont si laids. Et voyez comme on les a disposés. Il me semble que c'est le premier de l'an et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun a le sien, je suppose. Celui-ci est à moi? Mais c'est une catastrophe, je ne pourrai jamais m'asseoir dessus. Et je suis en bleu clair et il est vert épinard. Voulez-vous le mien? Le canapé Bordeaux? Non. Non, ça vous êtes trop gentil, mais ça ne vaudrait guère mieux. Non, qu'est-ce que vous voulez? Chacun son lot, j'ai le vert, je le garde. Le seul qui me conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez, garçon? Hein? Le canapé? Oh, pardon. Il est à vous, madame. Merci. Eh bien, faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano. Je suis très heureuse. Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. Avez-vous encore besoin de moi? Non, non, allez, je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Vous devriez avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs? Oh oui, j'aimais beaucoup les fleurs. Elles se faneraient ici, il fait trop chaud. Non, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver la bonne humeur. Vous êtes... La semaine dernière, et vous? Moi, hier. La cérémonie n'est pas achevée. Vous avez beaucoup souffert? Non, j'étais plutôt abrutie. Qu'est-ce? Une pneumonie. Et vous? Le gaz. Ah! Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Oui, excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Oh, cher monsieur, si seulement vous vouliez bien ne pas user de mots si crus. C'est choquant. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être n'avons-nous jamais été si vivants? S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents, ce sera plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis un mois environ. D'où êtes-vous? De Rio. Ah, moi de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Oui, ma femme. Ah, vous la regrettez beaucoup? Oh, elle m'agace. Monsieur. Pardon? Vous êtes assis sur mon canapé. Oh. Vous aviez l'air si absorbé. Oui, je mets ma vie en ordre. Ce qui rit ferait aussi bien de m'imiter. Elle est en ordre, ma vie, tout à fait en ordre. Elle s'est mise en ordre d'elle-même, là-bas. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Vraiment? Vous croyez que c'est si simple? Ouh, quelle chaleur, permettez? Ah, non! Non, j'ai horreur des hommes en bras de chemise. C'est bon. Moi, je passais mes nuits dans les salles de rédaction, n'est-ce pas, alors? Il y faisait toujours une chaleur de cloporte. Il y fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit? Tiens, oui. C'est déjà la nuit. Oh, le gaz déshabille. Comme le temps passe vite sur la terre. C'est la nuit. Ils ont mis les scellés sur la porte de ma chambre. Et la chambre est vide dans le noir. Ils ont posé leur veston sur le dos de leur chaise et roulé les manches de leur chemise au-dessus de leur coude. Ça sent l'homme et le cigare. Ah, j'aimais vivre au milieu d'hommes en bras de chemise. Eh ben, nous n'avons pas les mêmes goûts, voilà ce que ça prouve. Vous aimez ça, vous, les hommes en chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais enfin, pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? Je vous regarde tous deux et je pense que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à retrouver des amis, de la famille. Une excellente amie avec un trou au milieu de la figure. Celui-là aussi. Il dansait le tango comme un professionnel. Mais nous, enfin, pourquoi nous a-t-on réunis? C'est le hasard. Ils cassent les gens, ils peuvent, dans l'ordre de leur arrivée. Quoi? Pourquoi viez-vous? Parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Ils ne laissent rien au hasard. Mais enfin, nous nous sommes peut-être rencontrés autrefois. Jamais, je ne vous aurais pas oublié. Ou alors c'est que nous avons des relations communes. Ça m'étonnerait. Vous ne connaissez pas les Dubois-Seymour? Ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, ils ont un château en Corrèze. Moi, j'étais employée des postes. Ah, oui, en effet, oui. Et vous, monsieur? N'ai jamais quitté Rio. Eh bien, dans ce cas, vous avez parfaitement raison. C'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard. Alors, ces meubles sont là par hasard. C'est par hasard si le canapé de droite est vert épinard, si le canapé de gauche est Bordeaux. Hasard, n'est-ce pas? Eh bien, essayez donc de les changer de place si vous m'en direz des nouvelles. Le bronze, c'est un hasard aussi. Et cette chaleur. Je vous dis qu'ils ont tout réglé jusque dans les moindres détails avec amour. Cette chambre nous attendait. Oh, mais comment voulez-vous? Tout est si laid, ici, si dur, si anguleux. Je détestais les angles. Croyez-vous que je vivais dans un salon Second Empire? Alors tout est prévu? Tout! Et nous sommes assortis. Et c'est pas par hasard que vous êtes en face de moi? Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Ils attendent. Oh, moi, je peux pas supporter qu'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Bien, faites-le, faites-le donc. Vous savez même pas ce qu'ils veulent. Mais c'est insupportable. Et quelque chose doit m'arriver par vous deux? Par vous deux? Il y avait des visages qui me parlaient tout de suite et les vôtres ne me disent rien. Alors, pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit. Alors, allez jusqu'au bout. J'en sais absolument rien. Il faut le savoir. Si seulement chacun de nous avait le courage de dire... Quoi? Estelle, Petit, qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas du tout. Je me demande même si ce n'est pas une erreur. Mais ne souriez pas. Pensez à la quantité de gens qui s'absentent chaque jour. Ils viennent ici par milliers, n'ont affaire qu'à des subalternes, qu'à des employés sans instruction. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur? Enfin, ne souriez pas. Et vous dites quelque chose. Mais s'ils se sont trompés dans mon cas, ils ont pu se tromper dans le vôtre. Et dans le vôtre aussi. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux croire que nous sommes là par erreur? C'est tout ce que vous avez à nous dire? Que voulez-vous savoir de plus? Ma vie? Je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'élevais mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon, j'ai accepté. Ah, qu'auriez-vous fait à ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans avec mon mari sans un nuage. Il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui, j'ai refusé. Après ça, j'ai eu ma pneumonie, c'est tout. Oh, peut-être qu'on pourra, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Oh. Croyez-vous que ce soit une faute? Certainement non. Et vous, trouvez-vous que ce soit une faute de vivre sans ces principes? Qu'est-ce qui pourrait vous le reprocher? Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate, que faire? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras, ils m'ont fusillé. Voilà. Alors, où est la faute? Mais il n'y a pas de faute, vous êtes un héros. Et votre femme, garçon? Eh bien, quoi, ma femme? J'ai tiré du ruisseau. Ah, vous voyez. Je vois. Pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous? Votre assassin. Nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a jamais d'erreur et on ne donne jamais les gens. Mais taisez-vous! En enfer, damné! Mais voulez-vous vous taire? Je vous défends! Damné, la petite sainte! Damné, le héros sans reproche! Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort et ça nous amusait beaucoup. Et à présent, il faut payer. Est-ce que vous allez vous taire, oui? Attendez. J'ai compris. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous allez voir comme c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir, personne. Nous resterons jusqu'au bout, seuls ensemble. C'est bien ça. En somme, s'il y a quelqu'un qui manque ici, c'est le bourreau. Je sais bien. Eh bien... Ils ont réalisé une économie de personnel, voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les deux autres. Oui. Eh bien, je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal et je n'ai rien à faire avec vous, rien. C'est tout à fait simple, alors voilà. Chacun dans son coin. Vous ici, moi là. Et du silence. Pas un mot. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Chacun de nous a ses affaires avec lui-même. Ça, je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Il faut que je me taise. Oui! Et nous serons sauvés. Se taire. Regarder en soi. Ne jamais lever la tête. C'est d'accord? D'accord. Alors, adieu.